Chapitre 3 La Bayadère. Dans le voluptueux abandon des fêtes intimes, quand ses adorateurs, après les sacramentelles libations des soupers copieux, l'entouraient de toute la ferveur de leurs hommages, Matahari se complaisait à évoquer, exalté par la nostalgie, les souvenirs de son enfance claustrale. Mais n'imaginez pas que c'était l'image d'un béguinage sur les bords d'un canal brumeux, ce qui accourait alors à sa mémoire. Non, ce qu'elle-même avait écrit quelques années auparavant sur son origine semblait, en ces moments, complètement oublié. Européenne, elle, fille d'un brave marchand de Leeuwarden, élève de l'école de Gamingastadt, allons donc, sa nouvelle version n'avait rien de bourgeois. C'était un conte des mille et une nuits, un conte bleu, or et pourpre, dans lequel les images les plus étranges ondulaient au rythme de musiques exotiques. Je naquis, disait-elle, dans le sud de l'Inde, sur les côtes du Malabar, dans une ville sainte qui s'appelle Jaffuapatam, au sein d'une famille de la caste sacrée des Brahmanes. Mon père, Suprachetti, était appelé à cause de son esprit charitable et pieux Asirvadam, ce qui signifie bénédiction de Dieu. Ma mère, glorieuse Bayadère du temple de Kandaswani, mourut à 14 ans, le jour même de ma naissance. Les prêtres, après l'avoir incinérée, m'adoptèrent et me baptisèrent Matahari, ce qui veut dire pupille de l'aurore. Puis, dès que je pus faire un pas, ils m'enfermèrent dans la grande salle souterraine de la pagode de Shiva afin de m'initier, suivant les traces maternelles, au rite saint de la danse. De mes premières années, ma mémoire ne conserve que de vagues souvenirs d'une existence monotone où, après avoir imité automatiquement, durant de longues heures matutinales, les mouvements des bayadères, je me promenais les après-midi dans les jardins en tressant des guirlandes de jasmin pour en orner les autels priapiques du temple. Mais vint la puberté, et la grande maîtresse, qui voyait en moi une créature prédestinée, décida de me consacrer à Shiva et me révéla les mystères de l'amour et de la foi une nuit de la Sakti Puja de printemps. À ce point de ces évocations, une sorte de tremblement sacré s'emparait, dit-on, du corps de la ballerine. Vous faites-vous une idée de ce qu'est la Sakti Puja de la pagode de Kandaswani? Et ses adorateurs européens, parmi lesquels se trouvaient souvent fois des académiciens et des ministres, se voyaient obligés à avouer en cœur qu'ils ignoraient ce que sont les saturnales brahmaniques de l'Inde. Alors elle, excitée par le vin, par la vanité, par la lumière, par les parfums, par la luxure, expliquait, illustrant ses discours d'attitudes et de mouvements plus éloquents que ses paroles, les mystères de la nuit suprême, pendant laquelle les fakirs savourent en vie les délices cruelles et divines du paradis de Shiva. Les premières heures de la fête sont toujours consacrées aux méditations, dans une atmosphère d'opium et de langueur. Soudain, vers le moment où les mages découvrent dans le ciel le signe des trois déesses, les orchestres commencent à soupirer dans l'ombre les notes de leurs hallucinantes harmonies. Parmi les épaisses frondaisons de la jungle, un murmure annonce le réveil des serpents sacrés qui, reconnaissant les rythmes de leur danse, s'acheminent vers le temple où Shiva attend leurs hommages. Et les serpents dansent, et mêlés à eux, tortueuses comme eux, et comme eux, froides en leur nudité couverte de pierreries, les bayadères dansent aussi. Vous ne pouvez imaginer, me dit un vieil ami, qui assista à l'un des fameux soupers où Matahari racontait et mimait son initiation artistique, l'effet de mystique délire que produisaient ses attitudes lascives, ses tremblements fébriles et ses contorsions épileptiques. Il y avait en elle quelque chose de l'idole et quelque chose du reptile. Ses grands yeux sombres, mi-clos par l'extase, ne laissaient filtrer entre les paupières que deux flammettes phosphorescentes. Ses bras ronds ambrés, très longs et trépidants, semblaient enlacer un être invisible. Les jambes annelées, luisantes, musculeuses, palpitaient avec des sursauts de tendons près de se rompre sous l'épiderme. Si vous l'eussiez vu, vous auriez cru assister à la métamorphose d'un serpent se changeant en femme. Ces derniers mots me remémorent la vision inoubliable d'une nuit où j'assiste, moi aussi, à une de ces fêtes obscures et étranges. Seulement, ma fête à moi ne se déroule pas dans un cabinet de restaurant parisien après souper, mais bien dans les Indes lointaines, aux environs de Colombo, dans une espèce de cloître où une humble bayadère reçoit en dansant devant les Cingalais accroupis à ses pieds les dévotions de tout un peuple. J'ai déjà évoqué dans mes Sensations d'Orient ce spectacle magnifique et contrit, religieux et familial. Après avoir déambulé pendant plus de 2 heures dans les bas quartiers, nous pénétrons dans une cour éclairée par des lanternes en papier. Au début, nous ne voyons que des torses chétifs couverts de blanches chemises et des torses plus chétifs encore entièrement nus. Mais peu à peu, nous allons découvrant, perdus ou cachés parmi la foule, quelques robes de soie et 4 ou 5 châles jaunes des prêtres de Bouddha. Nous nous asseyons comme tout le monde sur une natte et nous attendons. La danse n'a pas encore commencé. Une musique angoissante, une musique qui semble n'avoir jamais commencé ni ne devoir jamais finir, une musique qui est comme une plainte entrecoupée, comme un soupir douloureux, comme un sanglot d'amour, erre dans l'ombre sans qu'on puisse deviner d'où elle vient. Pourquoi ce rythme nous cause-t-il une si profonde sensation de malaise? Silencieuse, telle un fantôme, la bayadère paraît enfin. C'est la danseuse populaire, la plante indigène, le fruit naturel du pays. Sa peau bronzée ne macéra jamais dans les essences, et si les ongles de ses orteils sont dorés, c'est uniquement au soleil qu'ils le doivent. Aucune influence savante n'adultère son art instinctif. Aucun rituel ne mesure ses pas, et de toutes les pierreries qu'il a part, les seules qui ne sont pas fausses sont les 2 grands diamants noirs de ses yeux. Qu'importe, telle qu'elle, humble et divine, faite non pour divertir des princes, mais pour bercer l'ivresse des marins malabar et des dockers cingalais, telle qu'elle est et telle qu'elle se présente cette nuit, parmi de modestes guirlandes de fleurs, sous le manteau phosphorescent du ciel, elle semble la digne sœur des mystiques Devadasis des légendes. La musique continue de m'halluciner. C'est le même rythme endormeur et monotone par lequel les psylles charment les serpents. Je l'ai observé en voyant de quelle façon la bayadère dresse son cou et remue sa tête. C'est le rythme du serpent, et ses ondulations des bras ronds, et ses mouvements d'ascension des jambes, et ses spirales de tout le corps sont de serpents aussi, de serpents sacrés. Lentement, glissant plutôt que marchant, la belle ballerine s'avance jusqu'à toucher de la pointe de ses pieds nus les spectateurs du premier rang. Les cercles dorés qui emprisonnent ses chevilles et les autres plus nombreux qui lui servent de bracelets scandent tous ses rythmes d'un murmure léger. Au cou, un triple collier de pierres multicolores palpite sans cesse, montrant que même aux instants où il y a une apparence de quiétude, le mouvement de sa chair enfiévrée persiste. Et ce n'est pas seulement un mouvement des bras et des jambes, non, ni un mouvement de la ceinture et du cou, mais bien de tout le corps. La peau elle-même s'anime, et il y a une telle harmonie, une telle unité dans l'être tout entier, que lorsque les lèvres sourient, la poitrine sourit aussi, et les mains et les pieds. Tout vit, tout vibre, tout jouit, tout aime. C'est une pantomime d'amour plutôt qu'une danse, ce que la bayadère exécute. Ses gestes sont d'enchantement. En faisant tinter ses joyaux, elle s'approche de l'élu et l'invite à venir voir en détail les trésors de beauté qu'elle lui offre. Que de coquetterie instinctive et ardente en chaque geste. Ses yeux, semble-t-elle dire, ses yeux d'ombre et de tristesse, ses yeux et ses lèvres de sang, et ses bras qui sont des chaînes voluptueuses, tout ce corps qui tremble, et tiens, est pour toi, contemple-le. Et pour mieux se montrer, elle s'approche, puis s'éloigne, puis tourne. Ses regards sont comme un filtre de luxure, ses narines respirent voluptueusement l'air imprégné de capiteux parfums asiatiques, dans lesquels il y a de l'extase et de l'animalité. Le corps, toujours palpitant, s'étire de nouveau, se tordant en enveloppante spirale. Les mains qui se lèvent en ondulant semblent monter, monter sans cesse. La musique accélère sa pénétrante, sa lancinante, sa désespérante mélopée. Et, hallucinés par le rythme, nous finissons par ne plus voir là-bas, tout au fond, vers le centre, parmi les branches et les fleurs, au-dessus de la foule extatique, qu'un beau serpent rutilant de pierreries, un serpent de volupté et d'or qui danse. Les admirateurs parisiens de Matahari ont-ils quelquefois éprouvé, en la voyant officier dans ces fêtes secrètes, une impression aussi profonde, aussi mystérieuse que celle par moi ressentie devant la modeste bayadère de Candy? Je ne le crois pas. En bonne élève des apsaras de Kandaswani, la ballerine illustre, dédaignant la simplicité des fêtes populaires, exerçait sa liturgie sans jamais perdre de vue les exigences du terrible Shiva, dieu de tous les péchés, de toutes les complications, de toutes les cruautés. Dans ses lettres, quand elle s'adresse au poète et au musicien chargé de lui préparer ses arguments, elle avoue son désir de ne jamais rien laisser aux caprices de l'improvisation et de toujours se soumettre aux règles précises d'un symbolisme mythologique. Chacune de ces pantomimes prétendait être, en effet, la réalisation plastique de quelques poèmes sacrés dans le goût de celui que, sur l'autel de granit pourpre de la pagode des voluptés malabar, exécute durant les nuits des mystères orgiastiques les bayadères nues qui incarnent le triple mythe de Pavani, Lakmi et Sakti. C'est sur cet autel que je dansais pour la première fois à 13 ans, toute nue, lui arrivait-il fréquemment de dire, en se dépouillant de tous ses voiles devant ses admirateurs ébahis. En réalité, Matahari n'avait vu l'orgie mystique du sanctuaire de Shiva que dans les livres, et probablement dans ces mêmes livres où je viens de la contempler moi aussi, non sans un frémissement d'horreur et de nostalgie à la fois. Car vraiment, ils inspirent du même coup des curiosités perverses et de profondes répugnances ces tableaux que les voyageurs d'autrefois nous tracent des saturnales sacrées où les bayadères du temple de Shiva pratiquent les rites monstrueux du culte du lingam. Autour du tabernacle, dit l'explorateur Jacques Olliot, apparaissent en posture d'extase une trentaine de ballerines nues, en sueur, haletantes, devant lesquelles prêtres et fidèles s'extasient avec des mines de ravissement. Soudain, obéissant à la voix du chef des Punjari, toutes ces femmes abandonnent leurs attitudes et se jettent à terre, mêlant et enlaçant leurs cuisses, leurs bras, leurs coups, leurs mains. Seules les trois prêtresses, qui incarnent les trois déesses de la prostitution universelle, restent debout au milieu de la masse humaine qui palpite. Jamais dans les rêves les plus fous, l'imagination d'un fumeur d'opium n'a rien pu concevoir d'aussi horrible que ce spectacle de luxure mystique, que cette vague de chair féminine qui s'offre au stupre des fakirs ivres et dont les nudités produisent une sensation de bestialité. Les sexes se confondent, les cris se mêlent aux soupirs et se fondent avec eux en un profond rugissement. les trois apsaras, comme si elles ne voyaient rien, continuent à danser, tranquilles, jusqu'au moment où les prêtres qui incarnent les trois dieux se précipitent sur elles pour jouir de leurs caresses virginales. Évidemment, si somptueuses qu'aient été les orgies de Mata Hari, elles ne peuvent avoir ressemblé, même de loin, à ces fêtes brahmaniques des pagodes de Shiva. Mais elles savaient, leur donnant un air de mysticisme sensuel, combiner ces danses de telle façon que les savants orientalistes eux-mêmes s'inclinaient quand elles répétaient très grave « C'est là-bas, sur l'autel de granit pourpre de Kandaswani, que je fus initié. » La seule chose qu'elle pouvait au fond avoir étudiée ou tout au moins vue, c'est la danse des menus javanaises dans les villes où son mari tint garnison comme officier de l'armée coloniale hollandaise. Et entre cet art fin, artificieux, fait de gestes stylisés et de mouvements traditionnels, et la dramatique danse des apsaras malabar, il y a une différence énorme. Comme des idoles d'or et d'émail, les figurines de Java ou de Sumatra timides, hiératiques, immaculées, n'ont en apparence ni chair ni esprit. Elles sont des incarnations quelque peu abstraites de rites ancestraux et elles se conservent invariables, comme si le temps n'existait pas pour elles. En se transmettant leurs postures et leurs costumes, leurs mouvements et leurs tiares, leurs bracelets et leurs sourires à travers les millénaires. Tels que les virent en des époques reculées les premiers princes jaunes, nous les voyons nous autres aujourd'hui. La soie était encore inconnue en Occident qu'elles exhibaient déjà leurs tuniques de brocart. Les temples dans l'atrium desquels elles dansent pourraient s'écrouler, qu'elles ne feraient pas pour cela un pas plus long que l'autre. Elles ne paraissent en somme ni sentir, ni penser, ni vivre. Et si ce que leurs historiens nous assurent est exact, elles n'éprouvent jamais la moindre tentation amoureuse. Il est peu probable donc que les chastes javanaises de Vanjo Birwe ou de Semarang aient été les inspiratrices de Mata Hari. Il n'y a qu'à lire les descriptions que ces adorateurs ont faites de ces fêtes intimes pour se convaincre qu'en ces danses, tout est luxure, séduction, études voluptueux. Les costumes, si légers fussent-ils, semblaient toujours la gêner, au point qu'elle ne les supportait qu'au théâtre et dans les salons aristocratiques. Dès qu'elle se trouvait seule parmi les hommes, son premier mouvement était de se dépouiller de ses longues tuniques de voile. En ces derniers temps encore, 2 ou 3 jours à peine avant d'être fusillée, elle voulut, en un élan de diabolique ivresse sensuelle, offrir une fois de plus le spectacle de sa beauté nue, et elle se mit à danser dans sa cellule, jusqu'à ce que les pauvres sœurs de charité, qui assurent le service de la prison Saint-Lazare, averties par un des gardiens, accoururent pour l'exorciser. Voulez-vous vous faire une idée exacte de ce qu'étaient les danses sacrées de Mata Hari ? Dans les défaitistes de Louis Dumur, il y a la description d'une fête qui eut lieu en 1917 dans le palais de la duchesse d'Eckmühl et dont le clou fut la bayadère nue. Lisez. Seuls les petits seins étaient couverts de 2 coupoles de cuivre ciselées retenues par des chaînettes. Des bracelets luisants de pierrerie prenaient les poignets, les biceps et les chevilles. Tout le reste était nu, fatidiquement nu, des ongles des doigts à la pointe des pieds. Dominé par les gorgerins, le ventre plastique et ferme modelait sa souplesse androgyne entre les courbes symétriques qui, des aisselles ouvertes sous les bras levés, tombaient sur la conque des hanches. Les jambes s'élevaient idéales comme 2 fines colonnettes de pagode. Les rotules se nouaient comme 2 boutons de lys. Les triceps s'évasaient. Tout était blanc, jaune tendre, ambré, pailleté de lueurs d'or et de reflets rosés, tandis que, porté par le double chapiteau des cuisses doucement renflé, l'étroit bassin d'ivoire offrait dans son milieu le fruit noir du pubis. Sur une dernière évocation reptilienne, Mata Hari se tourna vers le dieu endormi en souriant et se prosterna par 3 fois, Puis, tournant lentement, lentement sur elle-même, elle détacha de son poignet gauche, du même rythme très lent, le large bracelet métallique qui le ceignait. On vit alors apparaître, à la place du bracelet de cuivre, un mince bracelet naturel qui, tatoué en bleu sur la peau d'or pâle, représentait un serpent qui se mordait la queue. Comment nous expliquer ce qu'il y avait de réellement indien en l'art sensuel et mystique de cette bayadère? Dans sa famille de souche hollandaise, il n'y eut jamais une goutte de sang exotique. Avec son mari, elle ne séjourna pendant quelque temps qu'à Java et à Sumatra, et dans des conditions telles qu'elle ne vit peut-être jamais là-bas les ballerines indigènes. Devons-nous donc admettre l'idée d'un apprentissage purement académique? Évidemment. Et néanmoins, ici aussi, le terrible point d'interrogation qui apparaît dans tout ce qui concerne cette femme surgit pour nous obliger à nous demander comment il est possible qu'une Européenne, une frisonne, une descendante des nobles matrones plantureuses des tableaux de Rembrandt, ait pu, jusqu'au physique, être ce qu'elle était. Car sur ce point, tous ceux qui la connurent tombent d'accord pour déclarer que sa beauté constituait la plus pure incarnation du type asiatique, cuivrée aux grands yeux de feu et aux cheveux de jais. Le docteur Brales lui-même, qui fut son médecin à la prison Saint-Lazare, me dit que, malgré l'évidence apportée par l'acte de naissance, il lui fut difficile d'admettre qu'elle n'était pas une authentique bayadère de la pagode mystérieuse de Kandaswani.